Tu t'appelles Samir, t'as 13 piges. Comme beaucoup de ces mondes, tu restes libre, tu restes peace. Tu parles peu à ton père, vends les chaînes du bled. Ta mère qui fait le liben et ton frère qui cherche du blé. Métis, arabe et blanc dans l'appareil. On dit les arabes mentent, ouais mais toi c'est pas pareil. Et sans démagogie, dans ta tête ça cogite. Dehors ton grand frère est visé loi de Sarkozy. Petit à petit tu commences à vivre ta vie. Loin du shit, d'alcool, du diable et de ses vitamines. Pourtant, petit tu sais où ton frère le planque. T'en piquer un peu pour vendre et surtout pour faire le grand. T'hésites entre faire des efforts ou de l'oseille. Tu rêves révolution et diamant sur les oreilles. T'es dans ton man man's world. Dans ton monde de gars, y'a Karima. Tu la kiffes grave mais tu le montres pas. Si j'avais 13 ans à l'heure qu'il est, j'serais comme ces mômes contre ces médias et leurs clichés. Pour un rien, hein, sauvageon, hein. Oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. Si j'avais 13 ans à l'heure qu'il est, j'serais comme ces mômes contre ces médias et leurs clichés. Pour un rien, hein, sauvageon, hein. Oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. Avec tes deux petits potes, man, des petits missionnaires. Vous parlez avec des mots qui existent pas dans le dictionnaire. T'as pigé la rue et ses lois. Si tu trouves pas le pigeon dans la minute, ben c'est que le pigeon c'est toi. Et pour tes profs, tes moyens, à ce stade disent-ils, tu sers à rien. Tu sers de statistiques. Oh. L'innocence s'échoue sur les jambes d'une benne, sur les jambes d'une belle. Bref, sur plein de légendes urbaines. Merde, l'avenir c'est où aller cet été. Et te rendre compte que l'enfance, ben c'est juste un CDD. Tu t'étais dit que la mort t'aura pas, bizarrement. Mais la vie n'est finalement qu'une longue file d'attente. Tu marches la tête haute dans le parc, ton repère. La tête haute, le regard au sol devant les remarques, ton père. Et pour l'amour, me dis pas que le cœur n'y est pas. Ben ouais, y'a Karima, t'as osé faire le premier pas. Si j'avais 13 ans à l'heure qu'il est, j'serais comme ces mômes contre ces médias et leurs clichés. Pour un rien, hein, sauvageon, hein. Oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. Si j'avais 13 ans à l'heure qu'il est, j'serais comme ces mômes contre ces médias et leurs clichés. Pour un rien, hein, sauvageon, hein. Oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. C'est le S, le A jusqu'au M-I-R. Ici, ailleurs, c'est le même qu'hier. Compte tes amis, les rentrées, les sorties. Appris qu'une rose pique plus que des orties. Des parents sprint dans cette rue d'apparence triste. T'évolues entre la street et des parents stricts. La love story, j'suis pas sûr que ça te saoule. T'es avec Karima, bras dessus, bras dessous. Si j'avais 13 ans, à l'heure qu'il est, j'serais comme ces mômes, contre ces médias et leurs clichés. Pour un rien, hein, sauvageon, hein. Oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. Si j'avais 13 ans, à l'heure qu'il est, j'serais comme ces mômes, contre ces médias et leurs clichés. Pour un rien, hein, sauvageon, hein. Oh les mains, la maîtresse en maillot de bain.